Parce que je vois, t'as réussi à te monter un business. C'est très bien, ouais, c'est très bien. Tu commences à palper. Mais quand tu commences à palper, il y a des règles à apprendre si tu veux continuer. Tu dois apprendre à faire la différence entre les armes et le beurre. Les armes, qu'est-ce que c'est? Les armes, c'est ta seule vraie richesse. C'est des valeurs boursières. Des œuvres d'art, tu vois, des conneries qui se monnaient et qui grimpent en valeur. C'est quoi le beurre? Une caisse, des fringues, une montre, toute cette gamme de merde que t'achètes et qui vaut plus rien une fois que tu l'as. Cherche pas ailleurs, mec. Des armes et du beurre. Point barre. Hey Jesse. Ok Manu. Ouais. Tiens, passe-moi un billet. Un Pascal, tu veux quoi? 200, 300. Qu'est-ce que tu fais avec ça encore? Des florins, tu veux quoi? C'est fini maintenant. J'ai les 100, 200, 500 euros les gros. Ouais, c'est de l'oseille, c'est 500 pareil. 500 euros. C'est pareil mon frère. Ouais. Quel pareil? On y va. HLM, prix d'assaut, arme de guerre, réaction violente, branché au scanner, machine à sous-douane volant. Les gros coups, les gros coups, le banditisme, dit au ministre qu'on encule à part la génération d'un monde sinistre. Les mômes qui font la manche en provenance de Roumanie, les toxico-agiles sont le plus marre des mamies, des huissiers qui mettent à genoux des familles. Dans la vie, tout est rally, Michael Blanc au cachot à Bali. On s'organise pour un bibi, des barrières en plus de bastos, rose comme ton pouce, voilà l'italienne, faut qu'on brasse tous. Les passeurs sodomisent les compagnies aériennes, rendez-vous dans les plus grands gastos des rues parisiennes. Et des clients, du haut de la chaîne alimentaire, vitri au tru, en bas les couilles du bafa d'être animateur ou gratteur à la mairie. Sur les bras qu'on trio, on veut la mairie. On monte pas sur les coups, on clie, on fuck Terry. Ça va du chantier à l'usine, du centre-ville Amazon, des mythomanes, des crapules, tous l'oseille au redemande. Ça va de mon cerveau à mon stylo, comme des battements de cœur, des bruits de pas dans le noir pour une paye de braqueur. Ça chuchote, les tarots grimpent doucement. Un polo se passe en coup de vent, la somme dans son coupe-vent. Ma rue, une dangereuse toile, chien de tout poil. Accroché à de l'argent, pour nous c'est urgent. Un centime, c'est la haine. Qui domine dans mon domaine, un bolide dans une vitrine. Léon, la loi des temps modernes. Se chauffe le sang à l'alcool, dehors c'est mort comme le disco. Se réunissent mes consorts autour du son de la conso. Dans le secret de la rue, ça sent le brûler l'incendie. Au plus chanceux, le salut. Au départ top pour le podium, gros gère le stock. Le slogan c'est prends des risques et surtout tiens le choc. Quand on arrive, de toute façon, y'a le gros son. Voilà l'équipe mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est beaucoup. Eh, hey, garçon, y'a le gros son. Voilà l'équipe mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est beaucoup. Quand mes poches vides, je me sens vide de quoi. De fraîche et toi, un vide comme moi. Tu rêves souvent d'oseille. Pourtant mon grand dans les halls tout le monde en part. Du roulement au cadre aux gendarmes qui te foutent en tôle. Ça s'affole jusqu'à l'Elysée en haut lieu. Qui nous balance des patrouilles armées pour calmer nos banlieues qui grattent, surgrattent, même craquées par la batte qui déboîte dans nos épisodes masqués ou casqués. Pour celui cachet, des fois embusqué, je planifie mes projets. Ainsi en bas des blocs où les billets craquent. Où tu planques tes thunes, poteau, où tu les claques. À 16 ans, c'est déclic, tu sens plus les claques. T'allumes ta première club, tu cours devant la plaque. Les locks, ça tourne en rond, car pour certains, dans l'ordi, n'ont pas un rond. Et tôt le matin, passe derrière le comptoir, quitte à se casser les reins. De ceux qui font leur compte le soir, du détail, du butin, du petit larcin. Au gros coup organisé, si tu veux un tuyau, fais ta route sans associer. Les mecs sont habitués à crosser, au gros sein, au procès, à pioncer. Dans les endroits bizarres, à bosser, à se frotter avec les plus gros, les plus pros. Les gros nerveux sous coke, au moindre faut pas t'arroser. Ceux qui se déplacent quand t'as cause, qu'on aura rien à foutre des conséquences et de la cause. Quand on arrive, de toute façon, y'a le gros son. Voilà l'équipe, mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est beaucoup. Eh, hey, garçon, y'a le gros son. Voilà l'équipe, mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est les beaucoup. Les jeunes montent leur patrimoine avec des outils de la WAN. Charge une porteuse en Espagne, prends des foyers à la douane sur les espingouins. Ce sont des calages, des lance-roquettes, des rabouins qui braquent ton S3 pour tracer à la conquête des gros sons, sauce gros son. Tu peux fêter ton milliard, sachant pertinemment qu'on se fait péter tôt ou tard. La BRP boss, je laisse enchaîner pour me niquer. Réseau démantelé, ça me faramineuse inexpliquée. Faut pas être gourmand, savoir se passer du dessert. Sous-estime jamais la rapacité de l'adversaire. Investi dans la pierre, on veut ce qui est rentable, confortable, histoire d'évader. Audi S, GPS, putain de DVD. On veut se vernir sans se graisser les pattes. Pour les keufs descendent, qu'est pas un chat. Tous sous ski ou à Cuba, la pacha. Fructifie notre pouvoir d'achat, nos pas difficiles. Quand je casse trop d'impôts, je suis trio, pas monégasque. De loin tu as la méthode basse. On traquette, on sait qu'est-ce. On estime t'as trop de cash. On filoche, t'es plein d'oursins dans les poches, c'est malsain. Comme le monde de la nuit, la coke, on craque. On nourrit à sa famille avec l'argent craque. Pour ceux qui vivent la folie des grandeurs, tu leurs moyens pour le paraître. Rien dans le frigo, hollandaise en doublette. Wesh poteau, y'a des faux bifetons, des michetons qui se font casser par des émirs pour des bijoux, sac viton. Ça commence par un sale plan, Un mec est planqué dans la nuit, il part au charbon sur un coup de tête. 16 ans, la violence dans son esprit, doué et instruit, comme rebondit sur l'instru, tu vois. Monnaie urbaine, visage froid, on aime compter les billets comme les malfrats. Et quand y'a plus de sous, on devient égoïste comme Picsou. Puis un jour, on te retrouve le ventre ouvert, refroidi comme à Vancouver. Ta femme t'attend plus, elle a rangé tous les couverts. Mon frère, dans ce monde, rien n'est gratos. Je respecte ceux qui survivent jusqu'au dernier pesos. Quand on arrive, de toute façon, y'a le gros son. Voilà l'équipe, mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas de chrome, ni tête. Envoie la maille, envoie l'osé, car on est beaucoup. Eh, hey, garçon, y'a le gros son. Voilà l'équipe, mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas de chrome, ni tête. Envoie la maille, envoie l'osé, car on est beaucoup.